l'écoute de votre album, j'ai pu constater sur un titre que vous parliez de Frixal. J'emploie les termes que vous employez, bien sûr. Je trouve pas ça très encourageant pour la jeunesse et pas très intelligent. Écoutez, moi j'aime pas trop blablater. Maintenant, les faits sont là. C'est bien facile de venir me voir avec des phrases toutes faites. Moi, ce que je dis, c'est ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je vois. Maintenant, écoutez. Si vous avez pas compris, écoutez. Chez nous, ça se passe comme ça. Et on le nie pas. Point. L'instru me botte, me bute. Un bon beat, j'arme mon beat, moi. J'ai pas la prétention d'être le king. Négro dur, une multitude de sentiments trempés dans l'acide. Yo, Atis. Le feeling est propre, alors on s'aligne. La sincérité de mes textes, je me shoot au BPM. Je suis un drogué de la musique, drogué par l'écriture. De tout par l'écriture chez nous. Enchaîné par la tristesse, chez nous les crises naissent. Je garde la maîtrise de mes faiblesses. La maturité vient plus vite dans la sécheresse. Ma génération rime avec alcool, shit, business. Triste constat, la France a le chic de me vexe. Connecté jusqu'en Amérique, ma belle, j'ai plus d'antalgique pour me soulager, absent, j'ai corsé ma plume avant de les égorger. Chez nous, le début de la richesse est détaillé dans un sanger. Chez nous, ça bataille, ça dit bien la famille, c'est quoi les pailles. Chez nous, toujours la même, ça fait du fric sale, maniche. Chacun porte l'instinct animal, affronte ta chaîne de vie, pose tes couilles. Chez nous, ça bataille, ça dit bien la famille, c'est quoi les pailles. Chez nous, toujours la même, ça fait du fric sale, maniche. Chacun porte l'instinct animal, affronte ta chaîne de vie, pose tes couilles sur la table. Encore une fois, je reviens vers vous. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire que le début de la richesse se trouve dans des barrettes de résine? Bien sûr que je me rends compte, c'est moi qui l'ai écrit. Mais vous, en tant que média, vous êtes très fort pour montrer le côté négatif de chez nous, on va dire. Je vous invite à venir sur le terrain. Ici la rage de mes blocs, les principes de mon époque. Les mecs en chien, c'est mon époque. 16 mesures fracture ta porte. Flow casse-gueule, coup de plafond, t'es dans le filet. Garçon trop tard, cherche pas à te faufiler. Réfléchir il fallait, les fêlés te laisseront pas filer. Pèse-les, faux, les guerriers sont dans la mêlée. Perce-les, médias parlent de nous comme des animaux dans la télé. Trop tard les esprits sont hargneux, furieux, on s'en balait. Chez nous les tapis sont rouges quand le sang a coulé. Le flow perd la machette qu'a coulé. Décalé, peuvent s'affoler sur les sentiers de ma life, t'aurais cavalé. Le nègre est venu s'installer, on veut les gros sous, sans l'argent des bracelets. Mes principes sont halles, ta blanche neige, je vais pas l'inhaler. Donne-la à ta sœur, on gardera son temps de vie s'écrouler, s'écouler, circuler. Chez nous ça bataille, ça dit bien la famille, c'est quoi les pailles. Chez nous toujours la même, ça fait du fric sale, maniche. Chacun porte l'instinct animal, affronte ta chaîne de vie, pose tes couilles. Chez nous ça bataille, ça dit bien la famille, c'est quoi les pailles. Chez nous toujours la même, ça fait du fric sale, maniche. Chacun porte l'instinct animal, affronte ta chaîne de vie, pose tes couilles sur la table. Une fois de plus, vous parlez de drogue. Vous parlez de cocaïne. Ouais, je parle de ça, mais je cautionne pas, moi. Donc à partir de ce moment-là, viens pas me saouler. On se bat tous pour notre assiette. Je connais des mineurs qui mangent dur jugés aux assiettes. Je dis pas qu'il faut bicrave, je dis qu'il faut survivre. C'est vrai, la délinquance n'a plus d'âge. Mes petits frères ont tous le vertige. Je préfère rester en bas dans la cage. Chez nous c'est à la dure, y'a des cœurs en or dans nos caves. Génération fast-food avec la soif du cash. Chez nous y'a du potentiel mais beaucoup de rage. Chez nous ça bataille, ça dit bien la famille, c'est quoi les pailles. Chez nous toujours la même, ça fait du fric sale, maniche. Chacun porte l'instinct animal, affronte ta chaîne de vie, pose tes couilles. Chez nous ça bataille, ça dit bien la famille, c'est quoi les pailles. Chez nous toujours la même, ça fait du fric sale, maniche. Chacun porte l'instinct animal, affronte ta chaîne de vie, pose tes couilles sur la table. Alors monsieur le journaliste, quelque chose à rajouter maintenant? Eh bien, à vrai dire, vous bégayez maintenant? Chez nous ça bataille, ça dit bien la famille, c'est quoi les pailles.